qu'il arrive jusqu'à mon compte en banque. Pousse-toi un peu, tu fais obstacle, mes fondations tremblent. Il faut que de la rampe, sans attendre, le tac me fait les faux. Et j'ai besoin d'une rance, c'est embêtant, mes actes en fait les faux. Et c'est les miens qui flanchent dorénavant. Plus grand chose à faire, non. Autant se mettre à faire, fructifier mes airs, non. Alors apprête-toi, j'ai prêt mes exploits. Mais ne t'inquiète pas, je kick grave et triche pas, non. Et confiance en l'artiste, le cantine. Et puisque l'argent me manque, je pense, c'est ainsi. Plus que le circuit, le bif permet de vivre. C'est qui permet la speed, qui mène à la scie, qui ramène le bif. Tu ne sais que faire tes billets. Laisse le dollar circuler. Si je partage mon histoire avec toi, voudrais-tu partager tes dollars avec moi? Laisse le dollar circuler. Laisse le dollar circuler. Si je partage mon histoire avec toi, voudrais-tu partager tes dollars avec moi? Laisse le dollar circuler. Laisse le dollar circuler. Si je partage mon histoire avec toi, voudrais-tu partager tes dollars avec moi? Et qu'il arrive jusqu'à mes poches circulent. Le temps que je t'aime, j'en mérite même un peu. Si t'avais la gentillesse de bien vouloir remplir mes poches, je te propose un deal sérieux. Ma culture va te délover. Si jamais l'envie te prenait de ne plus écouter de la top, et qu'il arrive jusqu'à mes poches circulent. Le temps que je t'aime, j'en mérite même un peu. Si t'avais la gentillesse de bien vouloir remplir mes poches, je te propose un deal sérieux. Ma culture va te délover.